10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff. Gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. WERS Boston. KLSU. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez directement maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, et oui, Planète Indie, ça commence maintenant. Nous sommes, alors pour ceux qui nous écoutent en direct sur RGL le samedi 2 juin, c'est l'épisode numéro 397 de cette émission. Vous nous réécoutez peut-être dimanche, puisque nous sommes rediffusés le dimanche aussi sur cette même fréquence. Donc nous sommes dès lors le 3 juin. Et puis depuis le mois dernier, vous le savez peut-être, nous sommes aussi rediffusés dans la région d'Arlon sur une nouvelle et jeune et dynamique radio qui s'appelle ARL-FM. Et eh bien, si vous nous écoutez sur les ondes ou plutôt via le canal de ARL-FM, eh bien, nous sommes le vendredi 8 juin puisque nous sommes rediffusés chez eux le vendredi qui suit l'émission en direct. C'est donc l'épisode numéro 397 de Planète Indie. Nous sommes ensemble pour 1h30 de découverte musicale, 1h30 au cours de laquelle eh bien, nous allons parcourir le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. Et puis comme chaque mois, oui c'est fou comme les mois passent vite, eh bien, des choses que vous n'entendrez nulle part ailleurs et qu'on n'a même encore jamais entendu ici. Pour vous donner eh bien, un petit aperçu, on ira faire un tour par exemple sur le tout nouvel album de Mélanie Decker. On écoutera les Lins, on écoutera les Chalalaz. Et puis d'autres un peu plus habitués comme les Nightbirds ou Valerio Montelatici qu'on va écouter très très bientôt. Ce sera le deuxième morceau. Mais avant cela, eh bien, je vous propose de eh bien, commencer la programmation de ce soir par un extrait du dernier album en date du groupe King King. Et on va écouter le morceau Nobody Knows Your Name. Et si vous ne connaissez pas encore notre nom, eh bien c'est Planète Indie. Voilà, à tout à l'heure. C'est parti pour la musique. Thank you. Il s'appelle Valerio Montelatici, inutile de vous dire de qui il se moque quelque peu dans cette chanson. Ce titre qui s'appelle Fake Book, il y a notamment un moment où la jeune fille dit « Wow, my dog is barking », ça veut dire « mon chien est en train d'aboyer ». On va mettre ça sur Facebook. Et avant cela, donc, on a commencé avec les guitares du groupe King King et leur morceau « Nobody Knows Your Name ». On va poursuivre avec le groupe Scratch et le morceau « Soak ». Et puis à propos de Facebook, oui, c'est ça que j'avais presque oublié de vous dire. À propos de Facebook, eh bien, je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, eh bien, Planète Indie est aussi présente sur Facebook. Donc vous pouvez taper simplement Planète Indie, Planète écrit à la française avec un E au bout. Et Indie, ça s'écrit I-N-D-I-E. Et puis vous arriverez directement chez nous. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a beaucoup d'artistes qui sont présents dans notre groupe. Donc vous pouvez entrer en contact directement avec eux, si vous le souhaitez, si vous les aimez, si vous aimez ce qu'ils font, et ça leur fera évidemment bien plaisir. Allez, retour à la musique avec le groupe Scratch, et puis le morceau Soak, et puis après ça, on changera un peu de style avec Tom Toman, accompagné de Eva Boruta, et c'est un morceau qui s'intitule quant à lui Lady Phoenix. this is Chris from Underwhelmed, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Andy Palmer, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Solveig. And this is Stevie. From the Pacific Northwest, and you're listening to Planet Indie. C'était Tom Thoman accompagné donc de Eva Boruta avec ce morceau Lady Phoenix. Tom Thoman, il est originaire, si je ne m'abuse, de Tchéquie-Slovaquie, enfin quelque part par là, dans l'ancienne Europe de l'Est. D'ici quelques minutes, eh bien, nous allons partir à la découverte de notre album Powerplay, l'album qu'on met en évidence au cours de chaque émission. Bon, je ne vais pas vous dire tout de suite qui ce sera, hein. Vous allez encore patienter 3 petites minutes et puis vous le saurez tout de suite. Et ces 3 petites minutes, eh bien, elles vont être occupées par le groupe français Hawk. Comme leur nom l'indique, eh bien, ils viennent de la région du sud-ouest, ils font de la musique un petit peu traditionnelle avec des paroles, voilà, c'est dans la langue du coin, le patois du coin on va dire. Le groupe Hawk avec le morceau Bel Cavalier, c'est aussi un extrait de leur tout dernier album en date. Sous Voilà, donc le groupe Hawk, originaire de la région du Sud-Ouest. Et si, bien, au cours de ces vacances, vous allez dans cette région et que vous avez l'occasion de les voir, n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Allez, il est 17h25 si vous nous écoutez sur RGL le samedi en direct ou le dimanche en rediffusion. Et puis, il est 20h25 si vous nous écoutez sur ARLFM en rediffusion le vendredi suivant. Et il est donc l'heure pour nous de passer à la découverte de notre album Powerplay. Il est temps de vous révéler le nom de l'artiste mis à l'honneur ce soir. Eh bien, si vous nous êtes fidèle, je vous avais donné des indices. Il s'agit d'une artiste américaine qui s'appelle Courtney Yasmine. Une artiste, eh bien, qui, bien qu'elle ait écrit des chansons et pratiqué la scène depuis pratiquement tout au long de sa vie d'adulte, ça ne fait, elle a à peu près une cinquantaine d'années hein, maintenant, ça fait que depuis une dizaine d'années seulement qu'elle enregistre des albums et des EP, notamment deux qui sont sortis en 2015, à savoir le Red Letter Day and the Red Letter Day Unplugged, des albums qu'on vous avait fait découvrir à l'époque, et puis ce tout nouvel album qui vient de sortir en 2017-2018, un album qui s'appelle High Priestess and The Renegade. Il est sorti en mars 2018, pardon. C'est un album, c'est son septième album. Voilà. Pour planter un petit peu le décor, Courtney Yasmine, eh bien, c'est pas une artiste spécialement anarchique, c'est pas elle qui va casser les règles, mais elle crée ses propres règles. C'est ainsi que dans sa jeunesse, elle vivait et elle est née à Chicago. Et puis ça se passait pas très bien à la maison, ses parents ne s'entendaient pas bien, et une fois qu'elle était adolescente, eh bien elle s'est un peu elle s'est enfuie de chez elle, et elle s'est retrouvée à vivre dans une sorte de cabane de chasse que son grand-père possédait là dans les bois, et il y avait pratiquement rien, et là eh bien elle s'est imprégnée énormément de la musique de Bob Dylan, parce que c'était l'artiste qu'elle admirait le plus, et elle a commencé à développer ses talents de compositrice, de chanteuse et de guitariste. Ensuite, eh bien, elle s'est mariée, elle a fait des enfants et elle s'est établie. D'abord, elle a été à l'école, oui, j'ai oublié de vous dire, au McAllister College à Saint-Paul. Elle s'est mariée, elle s'est un peu établie, elle s'est posée, voilà, c'est ça, du côté de Minneapolis, dans une région qui s'appelait, une ville qui s'appelait Wayzata. Elle vivait là, elle retrouve que les gens là-bas, finalement, elle ne les a jamais pris de haut, parce qu'elle trouve qu'ils étaient des gens très bien et qu'ils étaient très sensés et qu'ils n'ont jamais abandonné au cours des 20 ans qu'elle a passé avec eux dans cette région, dans cette communauté. Je vous propose, est-ce que j'avais encore quelque chose à vous dire pour cette première intervention concernant Courtney Yasmine? Non, voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, on va en écouter un premier extrait. L'extrait s'intitule The Unknowing. Et je vous rappelle le nom de son album, High Priestess and the Renegade. Je vais le dire plusieurs fois parce qu'il n'est pas... Il n'est pas facile à retenir. Et puis, voilà, on essaiera de vous trouver une vidéo et de mettre aussi le lien vers son site internet sur notre propre site à nous. Voilà, allez, place à la musique, The Unknowing. Premier extrait Powerplay pour cet album ce soir dans Planète Indie. C'est Courtney et Yasmine. Powerplay. Powerplay. Under the trees, like some refugee, saying F you to everything. Invite them in when you wanted to, come around when you needed to your own self be true. Your death has given me wings. I fly up over the trees. I see the known through the unknowing. How did you lift it like a feather? How did you know to resist the fear of the unknowing? I stand at the edge of your life. I stand at the edge of your dream. I stand at the edge of unknowing.

sun is going down. And I don't like it, 'cause you know where to be found. I'm just hanging around, so lonely and blue. C'était les Nightbirds avec I Don't Like It. Bah, on espère que vous vous aimez et que vous aimez la programmation musicale de ce soir. N'hésitez pas à nous faire savoir ce que vous en pensez. Hein. Vous nous rejoignez sur Facebook, vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis vous arriverez chez nous ou alors sur notre site internet www.ilovemusic.ga. On poursuit avec des voix musicales orientées entre le gothique, le rock progressif. Tout d'abord, celle de Zerin et son morceau Mercury. Et puis après, ce sera Cat Hole, accompagné de son groupe Dissonance, pour le morceau Wait for the Sky. Kept like Mercury in a jam jar, in a cupboard of your room, forgotten all too soon and melting through. Catch my shiver, and you stand with a hand out to steal me far from your fear. Our dignity not lost, but what is the cost? Bleeding hearts are more than bleeding hearts are more than film script stars. Made of such swiftness, fools Je ne sais pas ce que vous pensez de la voix de Cat Hall, mais moi j'aime bien ces voix féminines graves et profondes. En tout cas, on en écoutera d'autres morceaux dans les émissions qui suivent parce qu'elle m'a envoyé pas mal de matériel, aussi bien quand elle chante en solo qu'avec son groupe, donc Dissonance. Et c'est ce groupe qu'on écoutait à l'instant avec le morceau Wait et sous-titré For the Sky. Vous écoutez Planet Indie, nous sommes ensemble en direct chaque premier samedi du mois entre 17h et 18h30 sur les ondes de RGL, et puis nous sommes rediffusés le dimanche suivant, toujours sur RGL, et puis le vendredi qui suit l'émission en direct, entre 20h et 21h30. Donc si vous avez bien calculé, nous sommes encore ensemble pour 3 bons quarts d'heure, enfin 3 petits quarts d'heure, parce qu'il est 47 maintenant, et on est à la moitié de l'émission, et un tout petit peu légèrement en retard sur la programmation musicale de ce soir, mais ce n'est pas grave, on aura l'occasion de tout entendre, rassurez-vous. Alors, on a encore d'autres dossiers à vous parler, mais ce sera pour plus tard, notamment concernant la fête de la musique qui se tiendra notamment le 20 juin du côté de la Rocale. On en parlera un peu plus tard. Là, on va aller sur le nouvel album de Carrington McDuffie, un album qui s'intitule Kiss Make Better. On ne peut que lui donner raison. Et on va écouter le morceau Why Can't He Be You. L'air de dire que... Eh bien, elle s'est peut-être trompée, elle aurait dû choisir l'autre mec, Carrington McDuffie. Why can't he be you? Hi, my name is Carrington McDuffie, and you are listening to Planet Indie. He takes me to the places you and I used to go. He tells me over and over that he loves me so. Me flowers, calls on the hour just to prove his love, and my friends say when he's around I'm all he speaks of, and he does all the things that you can't he be you, c'est-à-dire, eh bien l'autre il fait tout ce que tu ne fais pas et que tu devrais faire. C'est un bonus track sur l'album de Carrington McDuffie, bonus track qui, eh bien, une fois n'est pas coutume, n'est pas placé tout à la fin de l'album, mais en plein milieu, en position numéro 6, alors que l'album compte 13 plages. Bah oui, il faut se distinguer parfois un petit peu du reste. Retournons si vous le voulez bien sur l'album High Priestess and the Renegade, l'album powerplay de ce soir. l'album de Carrington McDuffie. Je vous avais raconté tout à l'heure que Carrington McDuffie s'était enfui de chez elle, de la vie désastreuse qu'elle menait chez ses parents. Du côté de Chicago, elle s'est retrouvée à vivre dans une cabane au fond des bois et à faire le tour des bars dans le nord du Minnesota, tour des bars où elle faisait son petit tour de chant. Et puis elle s'est mariée, elle a épousé un docteur, elle a vécu aux abords des villes, elle a fait 3 enfants et elle raconte que dans toute sa vie d'adulte, comme on disait tout à l'heure, elle a écrit des chansons, elle a fait des disques, mais elle ne pouvait pas faire grand chose parce que elle aurait voulu chanter, elle voulait faire beaucoup plus, mais elle ne pouvait pas consacrer plus d'une semaine ou une dizaine de jours parce qu'elle devait être à la maison sans arrêt entre les enregistrements et puis ses petits concerts parce que les enfants étaient à l'école, il fallait qu'elle leur fasse à manger tous les soirs. Donc voilà, elle se contentait d'écrire, de donner de temps en temps un petit concert. Et puis aussi, elle a donné des cours d'écriture créative, donné des cours de guitare, de chant, des cours d'écriture de chansons. Donc c'est comme ça qu'elle gardait le pied dans le monde de la musique. Courtney Yasmine, elle avait écrit toutes ses chansons, elle avait donc fait quelques concerts, mais elle n'avait pas la moindre idée de comment elle allait pouvoir poursuivre une carrière musicale professionnelle. Et puis sa chance est arrivée un jour quand elle a enregistré une chanson qui a été inspirée par les événements du 11 septembre. Une chanson qu'elle avait écrite pour l'église, la communauté pastorale on va dire, dans laquelle elle participait. Elle a aussi réalisé qu'il y avait beaucoup plus de choses qu'elle pouvait faire et qu'elle pouvait dire à cette occasion. Et ça a mené à ce premier, album qui a été diffusé. Un album sorti en 2004, ça s'appelait Early Days. C'est un album semi-autobiographique, amusant, avec la chanson notamment « Married to Bob ». Donc, je suis l'épouse de Bob. Des chansons qui oscillent entre le rock alternatif jusqu'au folk en passant par ce qu'elle appelle des chefs-d'œuvre de pop fluorescente. Voilà. Allez, retour sur l'album et à sa musique. On va écouter un second extrait. Il s'intitule Renegade et c'est donc notre powerplay ce soir dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. There's no time like the present to repent for what we've done. No time like tomorrow to look back from whence we've come. And by God, the trail took us from Berlin to Amsterdam, from Dublin town to Paris, from Duluth to New Orleans. And a hearty thanks to those who didn't have too much to say, and to those who got on board and didn't stand in our way. The winds of change blew out our sails and left us stranded on foreign shores. But in times of deepest trouble, at the point when all seems lost, your luck can turn, your luck can turn, and you find that it's not over after all. And paper songs with nothing left to say. No rest for the wicked, to comfort be no slave. Destiny is calling for Yeah. Hi, my name is Anya Parker-Lentz, and you are listening to Planet Indie. Hi, my name is Mark Lasseter, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Diane Mink, and you are listening to Planet Indie Radio Show, Brussels and Worldwide. I try to dig deep, but I never seem to win. What is it in me that always gives in? The well-made plan is such a beautiful thing. Halfway to happy, à mi-chemin, eh bien, d'être heureux. C'était les Lins, un groupe, eh bien, qu'on a déjà entendu et qu'on entendra encore, c'est sûr, et c'est un potentiel power play. Les Lins avec un extrait donc de cet album Heartbreak Song for the Radio. Avant cela et depuis notre incursion sur l'album power play de Courtney Yasmine, eh bien, après cela, donc, on a écouté respectivement les Chalalaz avec le morceau Before I Let You Down Again, donc ce qu'on pourrait traduire par Avant que je ne te plaque à nouveau ou Avant que je ne t'abandonne à nouveau. Et puis donc, à l'instant, donc les Lins, oui, bah oui, je pensais qu'il y avait eu un autre entre-temps, mais non, voilà, on est pile poil comme il faut. Et avant de retourner donc sur cet album de Courtney Yasmine, on va encore écouter Mélanie Decker, ça on en avait parlé tout en début d'émission, on va l'écouter avec le morceau Always Gonna Be, et puis tout de suite Joseph Ferrante et un morceau qui s'intitule Feeling Alright. So in this way is how I won't stop me. No, no, I'll find a way with what I've been given. That's what mama told me. So in this way is how I've been living. Always Gonna Be par la chanteuse canadienne Melanie Decker, chanteuse canadienne et qui a aussi des origines du côté des Pays-Bas. Cet extrait de son tout nouvel album qui s'intitule Secret Spot. Le temps avance, il est 18h14 si vous nous écoutez RGL, il est 21h14 si vous nous écoutez sur RLFM. Et on doit encore retourner sur notre album Powerplay, l'album High Priestess and the Renegade, l'album donc de Courtney et Yasmine. Je vous avais raconté eh bien tout à l'heure comment la vie de famille que Courtney menait l'empêchait quelque peu de se développer professionnellement dans le monde de la musique. Je vous ai dit aussi tout à l'heure qu'elle avait sorti pas moins de 7 albums, elle a fait des tournées. Comment est-ce qu'elle en est arrivée là ? Eh ben, il n'y a pas eu photo, elle a dû faire des choix. Une fois que son troisième et dernier enfant a été inscrit eh bien, à l'université, elle a divorcé, elle a revendu sa maison de White Zata, elle a déménagé dans le Upper West Side de New York et puis elle a commencé à faire des tournées. Ça c'était du côté enfin vers 2014 avec l'album Early Days dont on a parlé tout à l'heure. Elle avait aussi rencontré quelqu'un qui s'appelle Rob Genadek qui était le propriétaire du Brew House Recording Studio et bien c'est là comment qu'elle a commencé à évoluer quelque peu du rôle de chanteur compositeur solitaire vers le rôle de front woman ou de chanteuse principale dans un groupe de rock and roll, puisque Rob Genadek, eh bien, c'est son partenaire musical et professionnel depuis toutes ces années. Sa renaissance musicale coïncide aussi avec la naissance des médias sociaux auxquels eh bien, elle participe énormément et qui l'aide beaucoup. Elle dit notamment eh bien, que le business de la musique a changé énormément dans les dernières années. Dans le passé, les labels eh bien, essayaient d'avoir un grand et un large catalogue d'artistes. Et maintenant, eh bien, c'est un peu différent. Ils n'essayent d'en avoir que quelques-uns. Ils essayent d'en faire des superstars. Donc, les rockers et les musiciens indépendants eh bien, doivent trouver des moyens par eux-mêmes pour trouver leur propre public et se faire connaître de leur propre public. On avait parlé aussi tout à l'heure de l'album Red Letter Day et Red Letter Day Unplugged. Il y a une petite anecdote puisqu'on parle de Rob Genadek. Quand elle a sorti cet album de le Red Letter Day, elle était en préparation pour faire des apparitions dans des stations de radio de la côte est américaine pour promouvoir son album et participer à des concerts eh bien, dans des petites salles. Il est apparu assez rapidement eh bien, que cet album bien qu'électrique et donc c'était bien d'avoir tout le groupe avec elle, mais c'était ça devenait un peu chéro, voire même beaucoup trop. Donc ils ont commencé à faire des variations acoustiques de cet album avec Rob Genadek et l'accueil de ces versions acoustiques a été tellement époustouflant eh bien, qu'ils ont fait cette seconde version, le Red Letter Day Unplugged EP avec 6 ou 7 morceaux acoustiques, donc des chansons de l'album original. Voilà, le site internet de Courtney Yasmine, c'est www.courtneyyasmine.com, c'est facile. Vous trouverez plein d'informations, vous pourrez écouter l'album, vous pourrez voir des vidéos, les dates de ses concerts. Donc, je ne vais pas m'étendre plus longuement. Je vais juste lui laisser le micro pour qu'elle nous chante un morceau que j'aime beaucoup qui s'appelle Hey Lulu. C'est le troisième et dernier extrait donc, de cet album Powerplay. Aujourd'hui, dans la planète indie, c'est Courtney Yasmine et le morceau Hey Lulu. Powerplay. Notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, l'album High Priestess and the Renegade de Courtney Yasmine. L'heure avance, on va passer en revue assez rapidement la programmation de nos amis de la Rocale. Le 6 juin, vous pourrez voir Thundercat. Le 8 juin, ce sera le Screaming Field Song Contest, entrée gratuite. Le 9 juin, Schmidt Happens 2018. Le 9 juin, Body Count featuring Ice-T, mais c'est complet. Le 10 juin, Jonathan Davis. Le 11, Volbeat et Shinedown, c'est déjà complet aussi. Le 12, Dead Cross. Le 13, les Chemical Brothers. Le 14, Mac Giesinger, le 16 Rock University, le 18 Megadeth, c'est complet, le 19 Shakira qui vient avec son concert qui avait été reporté de l'année dernière, le 20 alors c'est la fête de la musique musique à la Rockale et à l'occasion de la fête de la musique, eh bien, le Rock Lab vous invite à une soirée spéciale. Vous pourrez découvrir deux artistes locaux pour des concerts exclusifs au Rockale Studio. À cette occasion, eh bien, le duo indie pop mélancolique When Harry Met Fairy et l'artiste électro rhythm and blues Dem Lights vous présenteront un set live dans un cadre des plus intimistes et aussi vous permettront de découvrir du matériel inédit. Les places sont limitées, l'inscription est recommandée. La programmation, 19h30 When Harry Met Fairy et 20h15 Dem Lights. Le 21, Limp Bizkit. Le 23, Perfect Cycle. Le 24, Bryan Adams. Le 25, Billy Idol. Le 30, ce sera le Open Air Belleval avec Sting et Shaggy. Si on a le temps, je vous dirai, si vous êtes un groupe, comment vous allez pouvoir jouer en première partie, si c'est encore temps. Et puis on arrive au mois de juillet avec Gojira le 3, Ben Howard le 8 et Kaleo le 9. On continue en musique avec, on commence tout doucement à être un peu pressé par le temps, Osmatok, c'est du... vous entendez déjà en arrière-plan, c'est de la musique qui bouge pas mal et c'est assez étonnant parce que c'est du rock d'inspiration chrétienne. Osmatok, More Than a Hero. Et pas tant, non, on ne s'attendrait pas à avoir des paroles dans ce style avec Ce genre de musique, c'était Ozma Talk, More Than a Hero. On arrive tout doucement au bout de cette émission. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. Encore un petit mot, si vous êtes un groupe luxembourgeois et que vous voulez jouer à la Rockale, si vous voulez faire partie de la programmation du festival Sonic Visions ou jouer en première partie d'une des têtes d'affiche, vous pouvez contacter la Rockale, ils se feront un plaisir. De considérer votre candidature, et pour l'instant ils cherchent quelqu'un pour jouer en première partie de Sting au festival Open Air Belleval, donc allez-y, n'hésitez pas. Donc voilà, j'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie, j'espère que vous avez apprécié la programmation musicale de ce soir. Toutes les infos, la playlist et le podcast seront disponibles sur le site www.ilovemusic.ga ainsi que dans notre groupe Facebook. On se retrouve au mois de juillet. Le 7 en direct sur les ondes de RGL, le 8 en rediffusion toujours chez RGL. Et puis le vendredi 13, ça vous portera chance si vous êtes auditeur de ARLFM, puisque vous aurez l'occasion de réécouter notre épisode numéro 398 de Planète Indie. Voilà, on se quitte avec un dernier morceau, Johanna Silanpa, c'est une ambiance un peu plus jazzy, on va se calmer un peu après Ozma Talk. Le morceau s'appelle Blue Skies, voilà. Rendez-vous en juillet. D'ici là, passez une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt. Blue days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. But blue skies do I see. Blue birds singing a song. Nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright. Never saw things going so right. Notice